90 km de Niamey. C'est le troisième incident du genre en moins d'un mois survenant en territoire nigérien, dans les environs de Niamey. Oualam ne se trouve qu'à une heure de route de la capitale, que 250 km séparent de la frontière malienne. L'épidémie d'Ebola est terminée en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a confirmé aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué une semaine après l'annonce faite par les autorités congolaises. Apparue au mois d'août dans une région enclavée de la province de l'Équateur, l'épidémie a contaminé 66 personnes, dont 49 n'ont pas survécu, selon les chiffres officiels. L'épidémie apparue en RDC était distincte de celle qui frappe l'Afrique de l'Ouest et qui, selon le dernier bilan de l'OMS publié hier, a fait 5 420 morts. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous avec les informations sur chaîne Inter à 16h. Vous avez besoin d'une recette pour ce soir? Vous avez une question sur votre santé ou celle de vos enfants? Ou sur un autre sujet vous préoccupant? Soyez des nôtres sur chaîne Inter, tous les matins, entre 9h et midi. Family Mag et ses spécialistes répondent à toutes vos questions. Family Mag, le rendez-vous de la famille sur chaîne Inter. Dance, but I'm gonna dance tonight. Take my chance, so we'll be a fool tonight. J'adore ce générique, c'est funky, c'est normal, c'est le mien. C'est parti jusqu'à 18h avec votre émission Hello Maroc et heureux de vous retrouver sur Chaîne Inter. Il est 15h passé de 13 petites minutes. Un big up pour démarrer l'équipe, bien sûr, qui m'accompagne cet après-midi. The Monster, c'est comme ça qu'il se faisait appeler. Et on va l'appeler comme ça encore en 2014. Il s'agit d'Abimounaïm Gnouni, que je salue à la technique. Et aussi, bien sûr, ma complice à la réalisation, Miss Fatim Zahra Yassine. Bien sûr, nous vous tenons compagnie avec de la bonne musique, nos rubriques et aussi des invités. Et les vendredis, bien sûr, ça rime avec musique. On se rattrape et cet après-midi, on aura droit carrément à une petite session acoustique avec Mr. Nasser Migri et le guitariste Oussama, notre Jimi Hendrix marocain. Ils viennent nous livrer quelques sons en acoustique à partir de 16h et on aura aussi le plaisir, attention, de découvrir et faire la connaissance d'un duo qui nous vient de la ville de Khnetra. Par contre, ils évoluent dans un autre registre. Il s'agit bien sûr du rap. Le rap avec le groupe HLM, c'est comme ça qu'ils se font appeler et on aura le plaisir de faire leur connaissance tout à l'heure, juste après le point sur l'actualité. Bien sûr, nos rubriques, 17h30 pour finir la journée, en beauté, le journal du design avec Amina qui fait un focus cet après-midi sur l'horlogerie pour hommes, la tendance des montres 2015, il va falloir rester branché sur Chaîne Inter et bien sûr ça se passe tout à l'heure à 17h30, n'oublions pas 15h40, c'est-à-dire dans un petit quart d'heure, ou plutôt non, quand même dans une vingtaine de minutes, on aura droit bien sûr au billet de la science avec Saïda Sebale qui nous parle de la capacité chez certaines araignées à imiter des fourmis. Et ben voilà, on en saura un peu plus tout à l'heure à 15h40. Et dans quelques instants, bien sûr, l'actu cinéma avec la chronique à l'affiche. Et pour démarrer un vendredi après-midi, moi j'en profite pour vous souhaiter déjà un bon week-end. Vous aussi, Faisal Azizi qui cartonne avec cette reprise à Kamama sur Chaîne Inter. احسن علاش يا محبوبي شهد العمل عملت فيا كترت عجوبي شفيت الحاسدين فيا هكا ماما يا إبراهيم صاحب الفضارة يقضي حويجي ونقوله الفعالة تكون خلالة خراس كبار ونبالة وميات ريالة باش نكافي حسان ماما هكا ماما عطيل ماما دك الخلالة خراس كبار From the first time the doctor placed you in my arms, I knew I'd meet death before I let you meet harm. Although questions arose in my mind, would I be man enough against wrong? Choose right and be standing up. From the hospital that first night, took an hour just to get the car seat in right. People driving off fast got me kind of upset. Got you home safe, placed you in your bassinet. That night, I don't think one wink I slept as I slipped out my bed to your crib. I crept, touched your head gently, felt my heart melt, cause I knew I loved you more than life itself. Into my knees, and I begged the Lord, please let me be a good daddy. All he needs, love, knowledge, discipline too. I pledge my life to you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Just the two of us. Just the two of us. Years old, bringing comedy every time I look at you. I think, man, a little me just like me. Wait and see, gonna be tall. Makes me laugh cause you got your dad's ears and all. Sometimes I wonder what you gonna be. A general, a doctor, maybe an MC. I wanna kiss you all the time, but I will test that butt when you cut out a line. True that, why you do that? I try to be a tough dad, but you be making me laugh. Crazy joy when I see the eyes of my baby boy. I pledge to you, I will always do everything I can, show you how to be a man. Dignity, integrity, honoring. I don't mind if you lose, long as you came with it. And you can cry, ain't no shame in it. It didn't work out with me and your mom, but yo, push come to shove, you was conceived in love. So if the world attacks and you slide off track, remember one fact, I got your back. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Against the world. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I, yeah. It's a full full-time job to be a good dad. You got so much more stuff than I had. I gotta study just to keep with the changing times. 101 Dalmatians on your CD-ROM. See me, I'm trying to pretend I know on my PC where that CD go. But yo, ain't nothing promised, one day I'll be gone. Feel the strife, but trust life does go on. But just in case, it's my place to impart. One day some girl's gonna break your heart. And ooh, ain't no pain like from the opposite sex. Gonna hurt bad, but don't take it out on the next, son. Throughout life, people will make you mad, disrespect you and treat you bad. Let God deal with the things they do, cause hate in your heart will consume you too. Always tell the truth, say your prayers, hold doors, pull out chairs, easy on the swears. You're living proof that dreams come true. I love you and I'm here for you. Just the two of us, we can make it if we try. Just me and you, just me and you. Just the two of us. Magnifique reprise signée Will Smith, bien évidemment. Et ça, c'est le son des années 90 qu'on écoute sur les ondes de chaîne Inter. Il est 15h21. C'est parti. L'actu cinéma au niveau international, c'est tout de suite. Bonjour, à l'affiche, le film est beaucoup plus si affinité, une réalisation de Michael Dowes avec Daniel Radcliffe, Zoé Kazan et Megan Park. En se rendant à une soirée organisée par son meilleur ami, Wallace ne se doute pas d'une rencontre qui va bouleverser sa vie. Son attirance pour Chantry a tout d'un coup de foudre, une complicité immédiate s'installe avec cette jeune personne pétillante à l'humour ravageur. Toutefois, il existe un petit obstacle aux prémices de cette belle histoire. Chantry est déjà en couple avec un dénommé Ben. Elle propose donc à Wallace de sceller un tout autre pacte, devenir ami et rien de plus. Et au fil du temps, leur complicité ne fait que grandir et Wallace se retrouve vite confronté à un vrai dilemme. Doit-il s'en tenir à sa promesse, faire en sorte que Chantry quitte Ben, faire semblant de se satisfaire de cette situation ou bien tenter de la conquérir au risque de la perdre? Leur relation amicale va être mise à rude épreuve, mais un homme et une femme peuvent-ils réellement être amis? C'est le plus beau jour de ma vie! Vous avez fait connaissance? Salut, voilà, salut. Je vous présente Chantry, ma cousine. Ouais! On n'a qu'à se faire une sortie, je vais te donner mon numéro. Super. Mon petit ami doit se demander ce qui m'est arrivé. Ça doit être l'angoisse totale pour lui. Bon, ami? Pourquoi pas, oui. Génial. Ami. Casey Affleck était pressenti pour le rôle de Wallace, mais c'est finalement Daniel Radcliffe qui l'a obtenu. La production voulait en effet un casting plus jeune. C'est pourquoi Marie-Elisabeth Winstead, Dora Ann Wall, Rose Byrne et Rebecca Hall n'ont finalement pas été retenus. Dis donc Wallace, parlons des sujets complexes de notre époque. Tu crois vraiment à ce que tu racontes? T'es trop mignon. Non. Oh, oh, oh, mon Dieu, est-ce que ça va? Je suis désolé. Ça a l'air d'aller. D'après Dahlia, tu fréquenterais un certain Wallace. On est potes, c'est tout. Je suis déjà sur le coup, alors pas touche. Dahlia, tu connais à peine mon ami. J'aimerais essayer cette robe. Il ne me reste plus que celle-ci, mais c'est une taille 36. Je fais du 36. Wallace! Oui? Amène-toi dans ma cabine! Quoi? C'est quoi ça? T'as les yeux fermés? Oui. Originellement tiré de F-Word, le film canadien réalisé par Michael Dowes a changé d'appellation aux États-Unis en raison d'une demande de la Motion Picture Association, association qui défend les 6 plus importants studios hollywoodiens, souhaitant classer la comédie romantique interdite aux moins de 13 ans. Le film fait référence à l'amitié, il sort sous son titre original. Et vous deux, ça va? Je suis pas sûre, je suis plus sûre de rien. On m'a proposé un poste à Taïwan et donc je pars bientôt. C'est très facile de parler d'amour avec cynisme tant qu'on n'a pas connu le coup de foudre. Si vous avez de la chance, ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Daniel Radcliffe joue avec Ralph Spall dans notre film du jour, ainsi qu'avec son père Timothy Spall dans la saga Harry Potter. Il incarnait le rôle de Peter Pettigrew. Et avant d'arrêter son choix sur Zoé Kazan, la production a pensé à Mary Elizabeth Winstead pour le rôle principal de Chantry. À demain pour un autre film sur chaîne Inter. know it all, but you don't know a thing at all, ain't it? And it's something, y'all, when somebody tells you something about you, think that they know you more than you do, so you take it down, another pill to swallow. Mr. Bring Me Down, where you like to bring me down, don't you? Magnifique morceau, ça c'était Kelly Clarkson avec Mr. Know It All. Merci de l'écouter sur les ondes de chaîne Inter. Il est 15h passé de 33 petites minutes. Petit coucou à ceux qui nous écoutent au volant de votre voiture. On ne le répétera jamais assez. Soyez super prudents. Allez, on reste zen. Je sais qu'on a envie d'arriver, on a envie de rentrer, mais justement, on est là pour ça, pour vous tenir compagnie jusqu'à 18h avec des invités de la bonne zizik et nos chroniques. Et j'en profite aussi pour rappeler que nous sommes le vendredi 21 novembre et c'est la journée mondiale de la télévision, justement depuis 1996. Une journée mondiale de la télévision tous les 21 novembre de chaque année a été instaurée par les Nations Unies. La télé informe, la télé divertit, elle éduque et permet aussi aux téléspectateurs d'échanger via le boom de la social TV. Mais la question qu'on se pose, est-ce que on peut vivre sans télé au 21e siècle et surtout avec le boom de Internet? On aura le plaisir de revenir là-dessus tout à l'heure à partir de 16h avec nos invités Nasser Megri et aussi le groupe HLM Rap qui nous vient de la ville de Knetra. Allez, on poursuit en musique avant d'arriver à la chronique scientifique. Saïd Assebalé qui nous parle de ces espèces animales qui ont la capacité d'imiter tout simplement les fourmis. Les détails, c'est moins de 10 minutes. Voici Hatim Amour en attendant. Khadija, pour vous souhaiter un excellent après-midi sur Channel Inter. خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط قلبي في غيابك ما تهنى يبات يسول ويتسنى قلبي في غيابك ما تهنى يبات يسول ويتسنى سرادينا وتحبينا خلينا نكملو مبدينا يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط يا خديجة يا خديجة غير رجعي للدار يا خديجة يا خديجة يا الزين البلاط magnifique souvenir, aimé jusqu'à l'impossible, carrément. C'est bien dit, bien interprété par Tina Arena que vous écoutez sur les ondes de chaîne Inter. Il est 15h passées de 41 petites minutes. Et tout de suite, on va en savoir un peu plus sur cette espèce d'araignée qu'on appelle myrmécomorphisme. C'est ça, le myrmécomorphisme. C'est comme ça qu'on appelle la capacité chez certaines espèces animales à imiter les fourmis. Plus de détails tout de suite avec Saïda dans le billet de la science. Bonjour à tous et bienvenue dans le billet de la science. Le myrmécomorphisme, ça désigne la capacité d'un spécimen animal à imiter les fourmis. Ce comportement est observé chez 300 espèces d'araignées. Si la plupart l'utilisent pour échapper aux prédateurs, quelques-unes s'en servent même pour leurrer les fourmis et les attaquer. De par leur petite taille et leurs moyens de défense rudimentaires, certaines araignées représentent des proies faciles. Aussi, les stratagèmes sont de mise pour assurer leur survie. Parmi les ruses employées, le mimétisme et plus spécifiquement le myrmécomorphisme. C'est un incontournable. Cette stratégie consiste à imiter une fourmi en reproduisant certaines de leurs spécificités morphologiques, comportementales et même chimiques. Voir une araignée imiter une fourmi est bien souvent bluffant. L'objectif de la manœuvre est celui d'adopter la forme d'une espèce nocive dans le but de décourager les éventuels prédateurs. En effet, les fourmis sont généralement dédaignées en raison de leur agressivité territoriale et leur côté indigeste, une véritable aubaine pour les araignées en quête d'une couverture efficace. À l'heure actuelle, plus de 300 espèces d'araignées ont été répertoriées comme myrmécomorphes par la communauté scientifique. La performance n'est pour autant pas simple, étant donné les différences anatomiques entre imitateurs et imités. Contrairement aux insectes hexapodes, les arachnides présentent en effet 8 pattes. Leur corps est par ailleurs divisé en 2 parties, céphalothorax et abdomen, au lieu de 3 caractéristiques des insectes, tête, thorax et abdomen. Pour ressembler aux fourmis, les araignées doivent donc redoubler d'astuces afin de cacher leur paire de pattes en trop et se doter d'une tête non seulement séparée du thorax, mais également dotée d'une paire d'antennes et de 2 yeux principaux. Dans ce sens, les spécimens ont, au cours de l'évolution, développé un certain nombre d'attributs. L'un d'entre eux est un abdomen spécialisé doté d'une zone de rétrécissement, une sorte de fausse ceinture capable de faire croire à un corps en 3 parties. Quant aux pattes, la première paire est généralement utilisée pour faire office d'antenne. Pour ce faire, les araignées les maintiennent en l'air et vers l'avant. Les 3 autres paires servent à se déplacer selon la démarche des fourmis, un peu en zigzag. Le résultat est tellement trompeur que certaines araignées prédatrices en usent pour piéger les fourmis elles-mêmes. Ces cas sont rares, mais bien présents. La stratégie est utilisée par les araignées mangeuses de fourmis pour faciliter la capture de ces proies. Ces insectes ne sont pas faciles à dominer. En raison de leur tendance à riposter avec leurs puissantes mandibules, leur défense chimique ou en appelant du renfort. En se déguisant en leur proie, les araignées parviennent à les leurrer et à ne pas trop attirer les soupçons du reste de la colonie. If love was a word, I don't understand. The simplest sound, 4 letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day I try to move on. Whatever it was, whatever it was, there's nothing now. You changed, new age. I'm there's a word I don't understand. The simplest sound, four letters. Are you Yeah. Mouskir, comme c'est toujours le cas avec lui, Hania ou Lehna ou Nao, c'est pour ça qu'on l'adore. Merci en tout cas de l'écouter sur chaîne Inter. Et je rappelle que dans 5 petites minutes, l'heure du point sur l'actualité de 16h. Et juste après, on attaque avec nos invités. Et bien sûr, une petite session acoustique. C'est normal, les vendredis dans Hello Maroc, vous avez l'habitude, c'est notre tradition, c'est de finir la semaine en musique avec une petite session acoustique que nous livrent Nassar Megri et Oussama Gazoulit, le grand guitariste. En tout cas, ça promet et on en profitera aussi pour faire connaissance avec un duo qui nous vient de la ville de Knetra. Il s'agit du groupe HLM. Eux, par contre, leur registre, c'est le rap music. On aura le plaisir d'écouter d'ailleurs leur single et surtout faire connaissance avec les deux membres du groupe HLM. Je rappelle aussi qu'à 17h30, ça sera l'heure du journal du design et Amina nous fait un focus sur l'horlogerie tendance pour hommes 2015. Et aussi, je rappelle que nous sommes le 21 novembre et que c'est la journée mondiale de la télévision qui a été proclamée en 1996 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et on en parlera tout à l'heure avec nos invités sur cette télé et sa position au 21e siècle avec le boom de Internet. Allez, avant d'arriver à l'info, je vous propose de rester en musique tout de suite et écouter celui qu'on adore, Looked Out of Heaven. C'est parti. Swimming in your world, so Locked Out of Heaven, magnifique morceau interprété par Bruno Mars et que vous écoutez sur les ondes de chaîne Inter. Il est tout juste 16h. Ahmed Chiratef tout de suite pour un point sur l'actualité. Madame, Monsieur, bonjour. Sa Majesté le Roi Mohamed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de Son Altesse le Prince Moulay Ismail, a accompli aujourd'hui la prière du vendredi à la mosquée Al-Imam Ali à Fès. Le ministre de l'Économie et des Finances a annoncé la création prochaine d'un fonds d'amorçage doté de 50 millions de dollars pour l'accompagnement des entreprises innovantes. Mohamed Boussaïd a annoncé cette décision lors d'une session interactive dans le cadre de la 5e édition du Sommet global sur l'entrepreneuriat qui poursuit ses travaux à Marrakech. Le président du directoire de l'Agence marocaine de l'énergie solaire, Mustapha Bakouri, quant à lui, a exposé hier devant les participants GES Marrakech le plan marocain d'énergie solaire qui ambitionne de devenir à terme le plus gros projet du genre dans le monde. Le gouvernement marocain et l'établissement académique américain Bobson Global ont signé hier à Marrakech un mémorandum d'entente pour la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur le projet de création au Maroc d'une cité dédiée à l'entreprise Enterprise City. Ce mémorandum d'entente a été conclu en marge des travaux du 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat. Dans le reste de l'actualité, la négociation d'un accord nucléaire historique avec l'Iran s'est emballée ce vendredi avec l'arrivée des ministres des grandes puissances. Après des mois de discussions techniques, cette dernière séquence purement politique a été lancée par un long entretien hier soir entre le chef de la diplomatie américaine John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif. Ce dernier a ensuite laissé entendre qu'il pourrait retourner à Téhéran pour des consultations. John Kerry a annoncé de son côté qu'il se rendrait à Paris pour s'y entretenir dans la soirée avec ses homologues européens. La chambre basse du Parlement japonais a été officiellement dissoute aujourd'hui lors d'une session plénière sur décision du Premier ministre Shinzo Abe qui a souhaité provoquer des élections générales anticipées en décembre prochain. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Prochain flash tout à l'heure à 17h. La suite dans un moment. C'est Hello Maroc en compagnie de Hicham. Sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Marrakech accueille la 5e édition du Sommet mondial de l'entrepreneuriat GES Marrakech 2014. Plus de 3000 participants, de responsables gouvernementaux, de CIO et conférenciers venant de plus de 50 pays se donnent rendez-vous pour le plus grand rassemblement d'entrepreneurs. Conférences, ateliers, Carrefour Business, Village de l'Innovation. Du 19 au 21 novembre 2014, Marrakech sera la capitale mondiale de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Rejoignez-nous sur gesmarrakech2014.org. Tongue, brim me with the words that go unsung. I simmer. chaîne Inter. L'antenne est libre, avec des moments de partage sur des sujets qui vous concernent. Prenez la parole sur chaîne Inter, tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Bien sûr, Maître Gims, qu'on écoute encore une fois, et toujours avec le même plaisir sur les ondes de chaîne Inter. Il est 16h passé de 12 petites minutes. Un petit coucou de bienvenue si vous venez de vous brancher sur la bonne fréquence. Et le Maroc pour finir la semaine en beauté. Comme tous les vendredis, on finit en mode musique. C'est dans quelques instants qu'on va recevoir le duo qui nous vient de la ville de Knetra. Leur style, c'est le rap. Ils se font appeler le groupe HLM. HLM, qui sont-ils? Quelle musique? Et surtout, quels sont leurs projets? La réponse, ça sera dans quelques instants. On attend aussi l'arrivée de Nasser Migri et de Oussama avec leur guitare qui nous promettent une petite session acoustique. Et c'est parti bien sûr avec les invités jusqu'à 17h30, heure à laquelle on va retrouver Amina pour le journal du design. En tout cas, nous on poursuit en musique avant d'arriver et d'accueillir nos invités. Alicia Keys, excellente fin de journée à tous. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. Catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got both feet on the ground, and she's burning it down. Oh. She's just a girl, but she's on fire. Ça c'était Nabil Amane qu'on écoute sur les ondes de chaîne Inter. Il est 16h passées de 20 petites minutes. On va accueillir tout de suite nos invités. On l'attendait depuis tout à l'heure. Ils ont quelques minutes de retard, mais ce n'est pas grave parce qu'on l'adore quand même. Il est tout pardonné. Il s'agit de Nasser Megri. Mrahba bik mana Nasser. Ça va la baisse. Hello, hello Maroc. Hello Maroc. Hello Gaël Mghrib. Hello Gaël et Megri. Les qui sont toi, les noms. Ça va Nasser, impeccable. Alhamdulillah. Je suis toujours très heureux d'être là. Écoute, le plaisir est toujours pour moi. Tu sais très bien. Bien sûr, Dardar comme Kimati Golo. En tout cas, de toute façon, en tout cas, merci. Il est pas seul, qui m'a annoncé tout à l'heure, donc il est avec le grand guitariste Mister Oussama Gazolit. Ça va Oussama? Ça va bien, merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Ça gratte à de l'aime, ah, bien sûr, d'ailleurs. Sinon, je gratte pas, je meurs. Voilà. En tout cas, je tiens une chose acoustique, le moment. Bien sûr, quelqu'un. Je l'ai annoncé tout à l'heure, je vais me faire chimonier, je vais aller. C'est vrai qu'on aura quelques petites sessions acoustiques. Je suis à l'actualité invité ديالكم ناصر ميغري ou le band ديالو parce qu'ils sont en plein de promo les tournées et aussi on aura le plaisir d'écouter des morceaux ديالكم et d'autres morceaux واخا ماشي ديالكم يعني كاين شي حاجه ماشي ديالكم غنصنتو عليها كاين ان شاء الله كاين ان شاء الله كاين لا توليرونس هي الاولى حنا ولي سوبر توليرون سي الفوندردي سي الجور دو سينيور اون اي توليرون توكا مرحبا بك معنا ناصر اون فون بروفيتي الدراري باش نتعرفوا مع لو ديو اللي جينا من مدينه قنيطره دونك لو ديو للموسيقى ديالو دونك سي ان اوتر ريجستر هما كيديروا لو راب وكنقولوا مرحبا لو جروب اتش ال ام لاباس عليكم شكرا لكم ميرسي بور لو ديبلاسمون الوغ لو جروب اتش ال ام اللي فيه دو مومبر دونك ياسين ارسلان مرحبا بك معنا ياسين صافا لاباس عليك بخير الحمد لله ياسين اي كي اي ديالك ارسا ام سي ارسا ام سي ارسا ارسا ام سي فوالا دونك دخلتيها من ارسلان دونك درتي ارسا ام سي سي لو سورنون ديالو معنا aussi رضوان فراني صافا لاباس عليك رضوان وماشي فيراري باسكو قبيله باش كنت كنهضر مع راني انت كاردوان فراني مرحبا بك معنا الاي كي اي ديالك نتايا اردوان اردوان دونك ار ديال اردوان دونك ار دوان دونك دو وان اند دي اونلي دونك سي كوم سا انت مرحبا بكم معنا ارسا ام سي اي اردوان اش ال ام شنو المعنى ديال اش ال ام سميه الجروب ديالكم اش ال ام مقسمه ثلاث الكلمات كل حرف اش حي ال الامل ام ميوزيك حي الامل ميوزيك حي الامل ميوزيك حيت نتوما ولاد حي الامل دونك حي الامل ميوزيك وانتم الدراري كتعرفهم شحال هادي ولا تعرفتوا عاد ما كنتش تلاقيتو شحال هادي شحال من عام هادي تلاقينا في 2010 دونك ربع سنين هادي ديال 10 كنتو كديروا الراب ولا عاد تبريتو بالراب لا ارسا كنغني شويه ارسا قرب شويه بالميكرو انت ما كيخلعكش الميكرو 2008 كنت بديت كنكتب كنش 2010 تلاقيش مع رضوان وعاد بينا كنسجلو 2008 بديتي بوحدك تترينينغ بوحدك تريني بوحدك 2010 تعرفت عليه وحتى انت يقتش بديتي انا ب 2010 المهم اواخر ديال 2009 درا كنت بدات كتاب وكذا كتكون بوحدك في الدار 2010 مازال قنيطره ما فيهاش حتى شي استوديو وما كتعرفش بنادم فهمتيني صافي كتحاول تديباني نتايا وفهم داك تلاقينا انا والدري عايشو ديجا قبل هو اصلا هو والدراري كيرابيو جيت انا عجبني داك الديكور صافي ولينا عشرين من ديك الساعه قلوب صافيه ودوزنا وحنا باقيين الحمد لله وباقيين ومازال ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق اللي بغيت نسول بحال دابا 2008 باش بدا ارسا ام سي بديتي كتكتب بوحدك شنو عطاك ديك لونفي واش كنتي كتصنت لي رابور شحال هادي كيفاش لقيتي راسك في هذا الميدان بعدا اش كنصنى شي حاجه كان كيعجبني هذاك الستيل ستيل ديال المغاربه الراب المغرب ولا الراب ديال الامريكان ولا شنو كاين مزكت الراب الامريكاني في الاول يا وعاد مزكت المغاربه باش مزكت دوك واحد جروب باش قدام ديال الجزائر المغرب هذاك دونك مشيتي انت بحثتي هادشي هذا هو اللي جعلك حبيتي هذا الفن هذا اللي هو لو غاب حتى انت لا ميم شوز ولا كان شي واحد اللي كتعرفوا ولا شي واحد في العائله ولا شي حاجه لا من انا اصلا ملي عرفت الراب انا تنسمع الراب كيحرك فيا كنتحرك ما كتبورش كيعجبني الراب انا اصلا كنحس براسي في الراب كنلقى راسي في الراب شنو فوالا شنو ديك الراحه اللي كتلقى فيها علاش كتلقى راحتك في الراب ما عرفتش على كاع لي السيل نقدر نسمع الشعبي الراي اي حاجه تحطها وكان تحط لي الراب غنسمع على الراب صافي ما كاينش ما هادي فوالا دونك سي سان فيتي و ان توكا دو لو فيروس ان توكا سان في بليزير بانك تهضروا على الراب بحال هكا حيت الواحد ما خصو يدير شي حاجه اللي يكون عنده الدم وكيحبها ولا باسيون دونك ناصر ميغري اللي كاس كيدير لي سيلفي في الاستوديو راه ما غاديش يقول لي لو كونتخيغ كسفخ باسكو جي ريزون كنفرش انايا حنا كنسحب لي كيتصنت الناس وكاين شي خدا واخد لي سيلفي هو غير اسامه تبرع ليا مع راسك اخي اون توكا غادي نديروا واحد لابتيت بوز لو جروب اش ال ام مازال غادي نتعرفوا عليكم مازال غادي نسمعوا المورسو ديالكم وميرسي بور لو بتي كادو باسكو المورسو مازال ما لاحوش في انترنت سي كوم سا كيقولوا ياك مازال ما يتلحوش ما يتلحوش فيديو كليب في السيمانه فيديو كليب كامل واليوم غادي نمشيو عند الدري اللي شي مونطي قال لنا اجيو باش تشوفوه من راه جينا ومشيو عنده داير معنا مع 10 ان شاء الله اليوم ان شاء الله مازال الحال مازال الحال ان توكا غادي نرجعوا لهذا الشيء هذا كامل باش نتعرفوا عليكم على لو ستيل ديالكم على لي سوجي اللي كتهضروا عليهم وشنو كتبريباريو لينا ان شاء الله ان شاء الله وغنبني روسيا ناصر ميغري دون كيلكو انستون كنعاود نذكركم ان لو 21 نوفمبر سي لا جورني مونديال دو لا تيليفيزيون كتفرجوا شويه في التلفازه ولا والو شويه الدراري ديال لا ويب تي في هادو واقيلا ياك انترنت ناصر ميغري كتفرج شويه في لا تيلي ولا والو كاين دابا البروميير ايتاج اللي فيه حسن ميغري كنسلموا عليه تحيه للسي حسن ميغري دابا هو كيكون في بروميير ايتاج وي في عرفنا بعدا فين كاين تري امبورطون تري امبورطون كاين لا تيليفزيون وكاين عنده حتى الانترنت ولكن كيستعمل لا تيليفزيون تقريبا 24 اور كتبقى ديما داك لو فون ديال لا تيلي ديما شاعله في دي دوكيومونتير في دي زيميسيون في الاخبار في بوكو دو شوز دونك باش كنجلس معاه كندوز معاه الوقت كنتفرج في التلفازه انا عندي تلفازه الفوق ولكن نبرون داير مع ان دي في دي داير مع ان دي في دي وكاين لانت بون كنتفرج يعني كاينه لا سوليوشن ديال لا تيليفزيون كتولي حتى هي في الانترنيت وكتولي حتى هي تربح يعني دو لارجون اترافير لي فيو ديالها بار انترنيت دونك دونك حتى الانترنيت راه كتولي ان تيران ديكسبلوطاسيون بور لي تيليفزيون فوالا فور لو بيزنيس تو ويخلعني انا اون توكا اون فينير à tout ça dans quelques instants, mais on va écouter justement la nouvelle version de le titre. Les quatre marques à l'interne, ça me grille les voix. Winek. Rapidement, on va dire les marques. Winek, rapidement, on va dire et la nouvelle version. La, d'abord, la nouvelle version, c'est un nouveau son. Machine a donné le mastering de la chanson à Paris, le studio Online Music. Et alors les changements les kainin, il y a plus d'électro dans la chanson, il y a plus de d'ingrédients, de il y a plus de recherche. Il est un peu plus gay en fait le morceau que la version originale. Joyeux. Allez, voilà, c'est ça. On va l'écouter. Winek Nasr Megri sur chaîne Inter. Winek, Winek, Winek, ya houb loul, hayati alik maoul, mahma jmri talou touar. Winek, Winek, ya houb loul, hayati alik nsoul, mahma sbri talou touar. Lyoum, lyoum hajrni noum, wghrqt ma. وانا مظلوم نسأل دماء قمر ونجوم اليوم اليوم هجرني النوم وغرقت معاك في هموم قلبي مغروم وانا مظلوم نسأل دماء وينك وينك وينك يا حب اللول كنت حياتي عليك معول مهما جمري طالو طوال وينك وينك يا حب الاول ياك حياتي عليك نسول مهما صبري طالو طوال اليوم اليوم هجرني النوم وغرقت معاك في هموم قلبي مغروم وانا مظلوم نسأل دماء معاك في هموم قلبي مغروم وانا مظلوم نسأل دماء قمر حياتي عليك مول مهما جمري طالو طوال وينك وينك يا حبي الاول كنت حياتي عليك نسول مهما صبري طالو طوال وينك وينك يا حبي الاول يا حياتي عليك مول مهما جمري طالو طوال وينك وينك يا حبي الاول حياتي عليك نسول مهما صبري طالو طوال وينك توجور بلجان شان Eh ben voilà, c'est vraiment la salade, c'est le vendredi, voilà. Donc il y en a qui grattent leur guitare. Ça va derrière Oussama et Nasser. Magnifique, magnifique. Ils sont presque prêts. Dans quelques instants, on va aller pour écouter un petit morceau live en mode acoustique sur les ondes de chaîne Inter. Toujours avec le groupe HLM. Et Mana, bien sûr. Les fiches, ils il peut pas mettre une cloche, mais trappe la guitare. J'adore ça, c'est le meilleur vice de l'ALM. Voilà, le tapis d'Yenne, c'est Oussama. Donc voilà, il a l'impression. Aussi avec le groupe HLM, les représentés par Yassine Arsalan, Erdogan Farani, donc respectivement Arsa MC et Erdogan. T'kelmna chi chouette, arafna alikoum رضوان بصراحة تلاقينا أول مرة فهمشيني كان هو كيقلب على التسجيل في الأول سجلت ليه من بعد ولا صاحبي فهمشي وين أصحاب صافي هو درويش فهمشيني دريف صافي الشيء اللي جمعنا هذا اللي عجبك هو درويش زوينة علاش خدمتي معاه حيت درويش مسكين دونك هادشي اللي كاين أون توكا نرجعو عليهم ونرجعو لكم دابا شي شوية نسمعو المورسو ديالكم ونهضرو شي شوية على لاكتواليتي ديالكم وعلى لي سينجل اللي خرجتو ولي سوجي اللي كيتكلمو عليهم وكيضحكو بيناتهم حيت واحد درويش والآخر درويش تا هو ولا لا؟ لا هو دابا صافي هو قال لكم مد ديال درويش الدراري غادي نسولكم شي شوية على التيلي من دابا شي شوية مي أون أتوندون أون فا إيكوتي لامبريسيون إي لا ريبونس دي gens que nous avons rencontrés, est-ce que au 21e siècle, en 2014, l'ère de Internet et de la Web TV, est-ce que vous êtes toujours consommateur de télé? Voici vos réponses. Si c'est bien les consommateurs de télé, parce que bien les programmes ont une valeur, ou bien nous sommes attachés à la télé, parce que il est le premier Internet. Internet, par exemple, il a une grande part, mais la télé a une préférence pour le peuple. Il a un endroit important par exemple. Mais c'est qu'il y a des gens qui sont plus intelligents. Ils savent pas comment travailler sur internet et des trucs comme ça. Là, là, moi, je pense pas parce que ça fait les PC ou là où le madame tire ton PC que ça me te le faisait. Le faisait la militie, mais le PC que je suis dans le faisait. Là, que la hajar que le cable moussel et qui dit à la halata de chez Bevrakulchim Bliblanta. Quel est qui te snap à l'achbar à être chez Forge de Faisaf? Hello, il dit non, que de Sahna et de Wok Nassot Forge FF de Faisaf, la mettre Forge of l'internet. Bien sûr qu'il Nas les Isalom et Forge of الفازا وكاين الناس اللي عزيز عليهم يدخلوا للانترنت بحال دابا لي بيرسوناجي تيستعملوا الانترنت غير للخدمه والتلفاز تيستعملوا لحوايج اخرين بحال لي زانفورماسيون البرامج بحال اللي قلتي ايتو بيان سور باقي عندها التاثير ديالها وباقي الناس تيتفرجوا فيها ايتو باقا باسكو اون ا با بور اوتان انفي دو شيرشي اون فيت جوست اليمي لا تيلي تروفي داكشي واجد مازال انا بعدا بيرسونيلمون جو ريغارد انكور لا تيلي سوفان. Et ben voilà les réponses des jeunes, les gars qui te font quand même de temps en temps la télévision. Mais j'ai l'impression que les canadrois, la télévision, les personnes âgées ou les jeunes, ça fait c'est dépassé, c'est démodé. Ou ça m'a pas qu'à faire la télévision. Ah, on a pas qu'à faire la télévision. Tu m'as dit que je suis de la télé, là, là, on a pas qu'à faire la télévision. Aflam, Baramej, moi je suis de l'Akbar. Aflam, surtout quand je suis de la القضيه ديال الانترنت الستريمين ولا شي حاجه ما تصفقت على اسامه ما عندك ما كيشجعش بيراطاج مزيان برافو عليك الله يكثر ما مشارك مزيان ما كيشجعش بيراطاج نصر ميغري عرفنا انت دابا عندك بزاف ديال لي تيلي في الدار أسامة كان تفرج معاه في التلفازة دياله دوك اللي عنده التلفازة كنت تفرج معاه عارف من دابا الفيلم ديالك داكو اوكي فيما كانت فيني تفرج فابور تيتفرج داكو اوكي اون توكا اون فا فيهم جيت بوز معاكم الدراري شفتكم هزين لي كيتار فو زيت بخي شنو غادي تقترحوا علينا اغنية ديالكم اوريجينال شي حاجة اللي كنعرفوا شنو تعطيونا النصر الاغنية ديالنا مغربية مغربية تخي بيان الوغ 3 2 1, on envoie le jingle. Vous êtes prêts les mecs? Ouais. dit tout simplement bravo encore une fois. Nasser Megri avec Mister Oussama Gazouli, tu l'as comme ça. Et c'est pas fini. Donc, d'ailleurs, le morceau l'oul. N'est-ce pas, Drari? Oui, bien sûr. Les auditeurs. En tout cas, on va faire une petite pause avant de revenir à Nasser Megri, avant de revenir au Gopa Chelem et avant de revenir à ce 21 novembre, journée mondiale de la télévision. En attendant, voici Danny Briand avec son tube sur Chaîne Inter. Superman. My eyes went ooh, my voice just cooed, my mind let loose. I'll stay forever, it's up to you. Et bon voilà, Corimbral avec son son très très rétro et ça lui va super bien. Nous on adore ça sur chaîne Inter. Merci en tout cas d'être à l'écoute. Il est 16h46 minutes. Et Hello Maroc, toujours avec le duo HLM. Romar Habibikoum, Mana HLM, Mme Medina, Tchnitra, ou Gagnez, Tchnitra, Tahiyali, ou Mena, Mena, Rabat. En tout cas, Radin Arjaouchi, Chouya Likoum, Kanaoud, car le groupe HLM, donc composé de Yassine Arsalan, donc Arsa MC, le surnom Diallo, Erdouan Frani, Erdouan, ça c'est le surnom Diallo et HLM bien sûr Gouna Hi ML Music d'ailleurs معنا ديالها pour mettre les auditeurs les at branchés معنا sur chaîne Inter. En tout cas كنقولوا لكم مرحبا بكم وكنقولوا les auditeurs aussi bon weekend. HLM خدامين هاد الساعه لواحد البوم دونك عندنا واحد الاكستري جديد ديالكم اللي غنسمعوا ليه الاول اكستري الثالث من البوم. البوم شحال هو يديروا فيه من المورسون ان شاء الله 20 مورسو خلاتيني بعد 20 حيت باقي دابا 20 في 2014 جو بونس الناس ما بقاوش كيخرجوا بزاف لي البوم مع عمرين البوم حنا ما غاديش البوم غنلوحوه كامل نلوحو تراك بتراك اكستريمور اكس بشويه بشويه 20 تراك كوميم خصكم شحال تقريبا 2015 2025 دونك شحال عندكم لا فريكونس كتخرجوا سينجل شحال 3 شهور شهرين شحال ديال الوقت انا حنا واش اللي بغينا والكانا ديالك حنا نتوما اللي بغيتي فوالا شنو هما المواضيع اللي كتهضروا عليهم اون جينيرال بزاف الراب راه اصلا كله مواضيع اللي بانت ليك ولا كتبع الاخبار لاكتواليتي شنو كيفاش كتهضر تهضر على اللي كاين واللي كتعيش شي حاجه كتبان ليك تشوفها كتكون غادي بانت لك شي حاجه كتدخل للدار كتكتب راسك شي بلا شي موضوع مثلا من والو تصايب موضوع فكره كتبان لك شي حاجه اي حاجه انت كتبدا انت خاصك تخيل كتولي ديك الساعه كاتب وكل شيء عندك شكون اللي كيقرر الكتابه ديالكم واش انت كتعطي لك التكست ديالك ليه ولا مع من كتريفيزيوها بوحديكم بوحدك ضروري الراب راه لازم عليك اصلا الا درتي شي حاجه من غير ما تكتب راسك ولا كذا ما كنسميش بنادم انا شي ومني كتخدموا ديو كي كديروا ليه كل واحد كيكتب الكوبليات ديالو من جهته كتفقوا على الموضوع كنريحوا نقدروا المهم نقدروا 8 سطور مثلا كتبناهم ريحنا كل شيء كتب في الدار طالعين بجوج مره عاوتاني كل بلاصه المهم فاش كنتلاقاو داك الشيء كنسمعوا كيسمعني ممكن كان شي قنو داكشي ناضي زوين تنخدموا خدمه زوينه حتى حنا غادي نسمعوا الديو ديالكم من دابا شي شويه دونك المرسول اللي سميتيه طلب العفو ما ولا بدا ما نسولكم على واحد الحاجه واحد لو ديتاي اللي هو مهم والعائله في هادشي كامل اشنو كيقولوا لكم الدراري ارسا ام سي واش كيقول لك ارسا مضرب لا تيشجعوك عادي عادي عارفين كيفاش دير الراب عارفين يا كيسمعوا الموسيقى هذيك عند شي خوتك ولا شي حاجه كيسمعوا عندك خوت كبر منك ولا صغر منك لا عندي اختي واحده صغر مني صغر منك كتسمع الموسيقى ديالك كيسمعوا مال الدار كامل هنا كيعطوك حتى هما لا في ديالهم شنو بان لهم بصح شي شويه حتى يا انا عندي خويا كيسمع وواحد خالتي كتشاي معايا في الدار كتسمع باش خالتي وبنت خويا والوالده مسكينه حد الان وهي كطلبني باش تسمع باغا تسمع وما كنبغيش نسمع علاش ما كتبغيش تسمع الوالده ما كنحشم كنخليها هي تمشي تسمع كتخسر الهضره خويا لا ما كاينين تراكات اللي ماشي ديال تخسر الهضره دوك عندك شي وحده اللي ما فيهمش تخسر هذوك تمشي تسمعهم يعني انا ما نقدرش نريح انا وياها ونعطيها تسمع تقدر تسمعهم مع خويا مع بنت خالتي بنت خالتك كتكون سمعتها شي مرسومات ديالك كتقول لي دابا نسمعهم بنت خالتك كتكون سيرمون سمعتها سيرمون شنو سميت بنت خالتك الى ما تكون دارتها سي سيغ ان توكا نو اون فايكوتي لو مورسو اللي غادي يخرج لا سيمين بروشين سي دحاك رضوان حيت عارفه تكون الى مدارتها هكا خالتي سمع اش كيدير ولدك ان توكا خالتي الى كتسمعنا رضوان هاش كيدير سي تو سويت طلب لافو سي بارتي Show for us night, you ومايدين مروك وغتشوف داري هناك شاري لاشا وبكشا ما عطي الشعب هي خلي دين امو في الخوف والبالك اللي قالوا رابنا يقول لهم سلامة طب لعفو على قاع الناس على اللي كي يكون ارزاق خوشو في البلاس اللي كي لعب بقلوبة دوك اللي يبقاو بسافة لمو يعرف شنو كاين الاحساس ها طب لعفو لأي حكار اي حطاي لأي حقاد نقا لكن شي خدام لكن شي زرام وين كوشي عنده بريا فات زمان بلا حساب نقا بنات الليل في ليبوار زيد لي ما كيشوف الهوشة كفرات لما صاين دم دبنا دم اصاط لعراو على كتوب والحق بقى في الساق طب لعفو للي كتشوفو كوليزي سيدا صمحية هنا كيقمعو البوليسي ما تروبا تشرقا وكيش ما شاف القاعة والنوبة ديال دارو هنا جاية في السيزي صعب تشيرسي كوطا لونطون دو بوان في بيبسي قال بلوكي سونطون ريستوار في الليسي راس ماسك ستارتون في تشاليكا غراس اخونا مالك بوطو قال باقي باغي نقلبو الفيزاج رابي كيما ديما انا عندي لونجاج ديما غادي كتشوفوني كما كنبدل جوني مساق في الدم وشاني ما كيهملوش طب لعفو للي غاسمع بالراب وتلاح داك لاعب اللي كان فان ديال بصح زيد لي في تي في او كلشي مباح داكشي علاش كتشوفونا ديما مبوقين ديما واصلين ديما كنشوفو راسنا غادي يقولي فين ديما مبوقين ديما واصلين ديما كنشوفو راسنا غادي يقولي فين طلب لعفو طلب لعفو طلب العفو على الاحقاد بوليس طلب العفو على اللي فيك بلا فيس بنات اللي باعوا الحم رخيص ولي ضرب صاحب وحش كلو ابليس طلب العفو اللي ضربوا بالقرعه كميل ولي شاد الحيط وشي في نظام الليل ولي همومك شار ودموعك تسيل باقي صبر في دنيا واخا شايف الويل طلب العفو على اللي ذنوبك شار واخا طريق باينه كدير الشر شحال كاع عايش غاتموت شي نهار اخرتنا كاملين صاحبي غنكونوا في قبار عندك عقل فكر وشوف الدنيا كاع ما ديما حنا فيها غير ضيوف كنفوندو في الحرام كنقولوا ظروف واخا كلشي باين ما كنعرفوش الخوف اما صاحب الحال في مطور كتلقاهم الحبة في السان ديما جارين مورا بلان وما كيعرفوش الخوف باش ما كان دابا خاصهم يجيبو نهار ومنساوش لي شابين مور بحال عطاو الراس منين يكون معاك تضحك شايبان وطراس بنادم في شكل كل مرة يعطيك فاس مرة يكون زوين مرة فايل ديال الدراس خليك زوين شامل في شكل ماشي مورا ظهر منها شبان مرجل ديرها غير زوين راه كلشي كوصل كنشي بغي الفايش غاشموش بحبل عفو من هاد الراب عفو من هاد البلاد عفو على القوم عفو من هاد العباد عفو لكاع الانمي اللي باقيين مراد عفو على راس دار راه معانا بغي تقاد Lobelafo, ça c'est du HLM, ben, ça c'est le HLM et ça c'est la version gentille de l'HLM hein, parce que qu'il y a des morceaux qu'on peut pas bien sûr diffuser, qui fait magal Nakbel Erdogan ou qu'il y a aussi des morceaux pour le grand public et ça c'est vraiment limite limite limite. Quand on décarbe maintenant, ça c'est un morceau les sourds ou les vidéos clips d'ello. Les pêches, Inch'Allah, c'est Edsim. Fini, t'as mis qu'il m'a le jeter. Il t'a harf. Il t'a harf. أردوان تيموش بدك انت عارف الانترنت ان توكا في صورته عاودوا لنا كيفاش صورته في قنيطره مع الدراري كومون سي باسي التورناج مع الدراري صورناه بالليل في الحومه تما حدانا في حي الامل حي الامل حي الامل نيش صورته بالليل بلاصه برا ولا في بلاصه مسدوده في بلاصه مسدوده بلاصه مسدوده بروجيكتوراج وكذا شنو مع الامبيونس غيتو ولا شي حاجه بحال الشكل هذا فوالا طلبوا العفو كنا على داك الشيء طلبوا العفو وكانوا معكم الدراري ولا بجوجكم اللي في الكاميرا كانوا الدراري كانوا شي وحدين معكم تي كانوا كاين قطع بيستاج كل بيستا وفي شكل داكو اوكي ان توكا الكليب دونك السيمانه الجايه مع الاغنيه غادي يخرجوه سي لو جروب اتش ال ام ان جروب كي نو فيان دو لا فيل دو قنيطره اون بروفيت اوسي pour vous rappeler que dans 5 petites minutes ça sera l'heure bien sûr de l'info avec le point sur l'actualité de 17h et aussi rappelons qu'à 17h30 on retrouve Amina pour les tendances horlogerie 2015 pour hommes, ça sera tout à l'heure à 17h30 et aussi bien sûr n'oublions pas Nassar Megri avec Oussama à qui bien sûr on demandera encore une petite session acoustique. Drari, n'aoud karbi anna khdamina l'album, a-t-il aussi smia ou la mazal n'choma مازال ما لقيتوش ليه سميه مازال ما عرفتش خرجت تخرجوه مي عارفين يكون فيه 20 ديال الاغاني لي تيماتيك كيف ما قلنا دونك جينا نوجدوا دابا باش كنوجدوا في لي تراك كاينين لي تراك مقاولوا في 2015 الالبوم غيكون كامل والتجال باقيين عند ارسلان دونك في الدار الكاليتي ديالك انت اللي كتاسوري بالبيسي ديالك هوم ستوديو اصلا ارسلتي ريكوردي الدراري شي الدراري ولاد قنيطره اللي تيجيو شي ريكوردي لهم اون توكا اون فاي روفينير ا تو سا توت الوغ الدراري الكوبا شيليم اون توكا مرحبا بكم معنا اول خطره كنستقبلكم ولكن ماشي اخر خطره اي بيان سور نو فا سو فير اون بوتيت بوز افون داريفي au point sur l'actualité, je vous propose en attendant d'écouter après Caro Emerald, je vous propose d'écouter Something Got Me Started, ça c'est les Simply Red. Des fois il y a des bugs comme ça, c'est la fin de la semaine, nous sommes en direct et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore le direct, c'est pour des petits pépins comme ça que vous et moi on connaît bien sûr quotidiennement. Allez, les Simply Red, Something Got Me Started, c'est sur chaîne Inter. Bonne fin de semaine à tous. Sur les ondes de votre station préférée. Embarquez sur Chemin Inter. Chemin Inter, la radio qui fait la différence. Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Et du 5 au 13 décembre 2014, la 14e édition du Festival international du film de Marrakech rend hommage au cinéma japonais. Le jury est présidé par Isabelle Huppert, le jury Cinécole par Abdrahman Sissako. Pour assister au film, inscrivez-vous sur www.festivalmarrakech.info. Merci de rester à l'écoute de Chaîne Inter. Il est tout juste 17h. Un point sur l'actualité. Ahmed Cheratef. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministère de l'Économie et des Finances a annoncé la création prochaine d'un fonds d'amorçage doté de 50 millions de dollars pour l'accompagnement des entreprises innovantes. Mohamed Boussaïd a annoncé sa décision lors d'une session interactive dans le cadre de la 5e édition du Sommet mondial sur l'entrepreneuriat qui poursuit ses travaux à Marrakech. Le président du directoire de l'Agence marocaine de l'énergie solaire, Mostafa Bakouri, a exposé hier devant les participants au GES Marrakech le plan marocain d'énergie solaire qui ambitionne de devenir à terme le plus grand projet du genre dans le monde. Bakouri a relevé à cette occasion que le Maroc a décidé de s'engager à travers ce projet dans une approche de maîtrise de sa destinée énergétique. Le gouvernement marocain et l'établissement académique américain Bobson Global ont signé hier à Marrakech un mémorandum d'entente sur pour la réalisation d'une étude de faisabilité portant sur le projet de création au Maroc d'une cité dédiée à l'entreprise, Enterprise City. Vaste offensive des djihadistes de l'État islamique pour occuper la totalité de la ville irakienne de Ramadi, ce qui lui permettrait d'asseoir son autorité sur la province occidentale stratégique d'Al-Anbar, frontalière de la Syrie. La négociation d'un accord nucléaire historique avec l'Iran s'est emballée cette journée avec l'arrivée des ministres des grandes puissances. Le chef de la diplomatie iranienne, Jawad Zarif, après s'être entretenu avec son homologue américain John Kerry, a ensuite laissé entendre qu'il pourrait retourner à Téhéran pour des consultations. Kerry, de son côté, irait à Paris pour des entretiens dans la soirée avec ses homologues européens. Londres a estimé que des divergences très significatives subsistent sur la voie d'un accord entre l'Iran et les grandes puissances. Par contre, Moscou a relevé que tous les éléments étaient réunis pour obtenir un accord sur le programme nucléaire iranien. La Russie risque de se retrouver davantage isolée et de payer un prix élevé pour son agression en Ukraine. Des propos tenus aujourd'hui à Kiev par le vice-président américain Joe Biden à l'issue de son entretien avec le président ukrainien Petro Poroshenko. Biden a accusé Moscou de ne pas respecter ses engagements pris dans le cadre des accords de Minsk signés en septembre dernier et qui ont servi de base pour un cessez-le-feu non respecté dans l'est de l'Ukraine. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Le prochain flash tout à l'heure à 18h. But she left me for another man. I can't heal. I'm holding on. I don't seem to love me. I feel I am yours. They told me you should sing a song of happy when you're feeling blue. I've been singing for so very long. Still I'm crying. Tell me, what should I do? All I know is shout that God that doesn't count. Shout that God that doesn't count. Shout that God that doesn't count. c'est comme ça que ça se passe les vendredis. C'est la guitare, c'est du Maigri. On est à la sauce Maigri cet après-midi. On vient d'écouter d'ailleurs Hassan et bien sûr Jalila avec Chalti Hanar. N'est-ce pas, c'est Nassar, hein? Oui. Ouais. Souvenir. J'adore génétique. Cette chanson. Moi aussi je l'adore, franchement. Yaoudi Dam Dam, c'est mes préférés. Oui, je sais. Ah, franchement, en tout cas, Malana Nassar Maigri, Marhaba aussi, Oussama Gazoulid, bien sûr, le grand guitariste. Et j'ai vu Aoutaini Benawajdi, on a un autre morceau, Mandabesh, Chouya Mazel, Akhi Nassar. Vous allez patienter quelques secondes, puisque Kraoud Narhabou, le groupe HLM, le Mdin Kanatara, ça va le baisser à l'écoute. Merci en tout cas, Marhaba Bekoum Mana, Kraoud Kriyassin, Arsalan, Arsa MC, Erdogan, Farani, Erdogan. هذا هو الجروب HLM من مدينة قنيطرة وكنعاود نذكر بان عندهم لو سينجل والفيديو كليب اللي غادي يخرج السيمانه الجايه ان شاء الله طلب العفو ان شاء الله طلب العفو En tout cas, on a rejoint la télé puisque je rappelle aux auditeurs que nous sommes le 21 novembre et c'est la journée mondiale de la télévision en 2014. On vous a posé la question, est-ce que vous êtes toujours consommateur de télé avec le boom du web? Vous avez tous répondu que oui, quand même, vous regardez encore la télé. Et on vous a posé une autre question concernant les programmes que vous regardez. Voici vos réponses. نشوفوهم برامج ثقافيه مره وبرامج ديال شي حاجه ديال ديسكريت ليفازيون شي حاجه مزيانه ضروري لي دوكيومونتير الوثائقيين كلشي كنشوفوه في التلفازه كيعجبوني البرامج الثقافيه شويه كاين برامج شبابيه بحال اجيال اللي كيدوز في دوزام كيدوز في الحد لي بروغرام اللي كيدوا على المجرمين اللي كيدوا على داكشي اللي كان واقعي ديجا الاحداث الواقعيه اللي وقع هنايا برامج ديال لي تالون اللي كاين فيهم المسابقات هادوك مزيانين انا جو ريكارد با دو تيلي برامج ديال الرياضه المهم لا politique de temps à autre pas de télé baramish ديال الرياضه المهم la politique de temps à autre حيت مازال ماشي انتر de tout vraiment de tout hein. Donc ça regarde de tout ramchi عند ارسلان ارسا ام سي كتفرج في التلفازه انت قلت لنا كمان باقي مع الدار وداكشي ياك شنو شنو البرامج اللي كتفرج كل مره التلفازه كتشوف افلام وثائقي مسلسلات كتفرج في مسلسلات تركيه موسيقى لا شويه ما شحال ديما تفرج فيهم كيعجبوك بالدارجه ولا باللبنانيه داك الشيء كنتفرج فيهم ملي كانوا باللبنانيه ملي كانوا باللبنانيه دابا مكسيكيين باش كتفرج التركيين فوالا دونك التركيين ما داكشي فوالا ارسالا التركيين جاوا معطلين قوا داه الرب دونك ان توكا غادي نمشي عند رضوان انت شنو البرامج اللي كتفرج فيهم انت الافلام المسلسلات ملي كتشوف التلفازه لا ما كنتفرجش في داكشي لا كان شي برنامج وثائقي ناسيونال شي حاجه انا اصلا التلفازه كتجمعني بها على الماكله في مع الدار شنكونوا مريحين في الطابله كنتفرج صافي شنخرج صافي كتعرف وقيله الماكله كي دازت لك تبقى كتفرج في الماكله راه خايبه ديك القضيه الواحد يتفرج وتياكل ما كيعرفش ما كيشبعش تكون التلفازه شاعله كتبقى ما كتشوفش اش كتاكل عام كونسونتري على التلفازه اسامه قبيله قلتي لنا انت كتفرج اكثر الافلام انت دونك الافلام دايوغ سبقنا عليك حيت ما كتشجعش بيراطاج ناصر ميغري بون عرفنا فيلم مشى قاع شي واحد عنده التلفازه كيتفرج فيها دونك هو ياك ناصر التلفازة سي امبورطون سي ضروري التلفازة ما يمكنش نتخلاو عليها شنو هما لي جون دو بروغرام اللي كتفرج فيهم دابور كاين لي بروغرام كيعجبوني لي زيميسيون ديال دو تيلي بحال بون معروفين بلا ما نقول سميات و كيعجبوني باغ اكزومبل دي فيلم لي حيت التلفازة هي لو فغي ريفيرونس فهمتي سي التلفازة ما يمكنش بعض المرات كتنسى سمية الفيلم ولا كتنسى سمية لاكتور والتلفازة كتوري لك هذا الفيلم بعض المرات كتنسى ان جونغ دو فيلم كتنسى تفرج فيه كتعاود تلقى ان جونغ ديفوزي في التيلي سي فري سي فري اون بلوس سي سا لو شارم دو لا تيلي il est 17h15 minutes bien sûr on va revenir tout à l'heure à une autre question qu'on vous a posée concernant l'avenir de la télé avec toutes les web TV qui poussent comme des champignons mais tout de suite place à la musique et la musique live لخليك شنو غتختاروا علينا الدراري Country. Shoot country, ouais. Tout simplement. J'adore. Tout simplement. Ça va faire plaisir même à mon père. Il est grand fan de country music. Ah, on va les laisser se préparer juste quelques secondes. C'est parti. Yeah. كيفاش ترجع ليا البسمة في عينيا توحشنا الذكريات يديك في يديا وخسست رجعي ليا صرت انا الليل الليل الليل والدمع يسيل يا عسل خليل وخسست رجعي ليا C'était Nasser Megri avec Mister Oussama. Merci beaucoup. En mode country, on est né le texte de l'arabia et c'est ça la particularité de la collaboration avec Nasser Megri et le band. Ça nous a donné envie d'écouter un morceau en particulier et je vous propose tout de suite le fameux Sweet Home Alabama. C'est parti. Singing songs about sun. Tom Alabama, ça c'est du morceau, ça c'est du son qu'on adore sur chaîne Inter et que aussi Mr. Oussama, ouais. Dommage, on a raté les deux premiers couplets, les gars. Oussama, en tout cas, Marhababik Maina, Oussama, Gazoulite, donc à la guitare et aussi Nasser Migri, Marhababik Maina. Et nous toujours avec le groupe HLM. Renarjo, quand même la télé à Dreri pour en finir avec ce sujet. Nous sommes le 21 novembre et bien sûr, je rappelle aux auditeurs qui viennent se brancher sur chaîne Inter que c'est la journée mondiale de la télévision qui était proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était en 1996. Le but, encourager les échanges mondiaux de programmes télé tout en se concentrant sur la paix, la sécurité, le développement social et économique et surtout l'amélioration de l'échange culturel. Avec tout ce boom des web TV sur Internet, l'avenir de la télé selon vous, eh ben voici ce que vous en pensez. L'avenir de la télévision enfin radio انا القضيه بانت لي غادا وكتنقص باسكو الانترنت جاح كيما ترى الكتب وكيما ترى ما بقيناش كنديوها فهم فبان لي حتى التلفازه ما بقاوش نديوها فالانترنت جاح كلشي اي برنامج كبغي كاين الريبلاي ديالو كاين غالونتي ديالو في الانترنت الاكثريه ديال الناس غادي يوليو كيديوها غير في الانترنت وغادي يساو التلفازه باسكو ما غيبقى فيها ما يدار غادي تولي التلفازه شي حاجه اللي سيكوندير ماشي شي حاجه اللي تبغي انك تشوف فيها وهذا دونك هذيك من هنا لقدام ما غاديش تبقى التلفازه تقدر تنقرض لا قدام عاش طول شوي خطرت مقارة التلفزة بقى على الانترنت اش كتشوف دابا اصح لا الشباب كل واحد مقابل البيسي قليل فاش كنجلس حدا التلفزة يعني ساعة في النهار ولا جوج سوايع كاين النهار اللي ما كنجلسش حداها كاع كتشوفش التلفزة الى با دافونيغ جو بونس مون باسكو لا بليبار دابا ولاو يوتيليز الانترنت اي تو دونك اي روكارد مي با لا تيلي تنشوف المستقبل التلفزة ماشي انا اللي خصني نشوف المستقبل ديال التلفزة الناس اللي مكلفين بالتلفزة هما اللي خصهم يقدموا التلفزة باش تبقى عندها مستقبل ديالها التلفزة تبقى ديما انوتي ديال الترفيه ديال يمكن لك تدوز به الوقت ولا يمكن لك تستافد منه يمكن لك تعرف شنو واقع على عبر العالم بارابور لي زيميسيون ولا المهم القنوات اللي متكلفين بهذا الشيء هذايا سي ان ديكلا مي غيبقاو كاين ديك دي سبيكتاتور كي فون ريستي توجور فيدل حنا بعدا لا جينيراسيون ديالنا في كون رغادي لا تيلي اون ايتان بتي غنبقاو نشوفوها مي سينو لي بلو جون كو نو سيغمون با ما ايزو با فريمون ايتي انيسيي جلس قدام لا تيلي و اي فا با كونساكري دو تان ديجا لو فيت دو مانجي ان فامي و داكشي سا ايد ا رغادي لا تيلي L'avenir de la télé, on va chercher Nasser Migri qui parle que la télé a un bel avenir ou là avec les web TV, avec Internet. D'abord, okay, le système d'elle, si elle collabore avec des sociétés d'internautes et tout, donc elle pourra gagner son audimat et compte l'internet. Donc, voilà, l'audimat des spectateurs de la télé et en même temps, les internautes, les spectateurs. Par la radio, les gens qui sont sur la radio ou les gens qui sont sur le téléphone ou l'application, le site ou la place. Mais de toute façon, c'est vrai que les télécaméras maintenant, elles migrent vers le web parce que oui, et le concept de chaque télé qui prend donc même quand le web il dit bhalo exactement qu'il y a un concept et combien d'art tu as le détail même le web maintenant il encourage les gens donc à investir dans le web TV par les côtés YouTube à un certain moment au bout de quelques vues quand même ulti khalas nas et tout ça donc c'est tout à fait normal en tout cas il est 17h passé de 25 petites minutes on va faire une petite pause puisque c'est l'heure de l'appel à la prière du maghrib je vous dis la taqbal et à tout de suite sur chaîne Inter أيها المؤمنون والمؤمنات المؤذن ينادي لصلاة المغرب حسب توقيت الرباط الصلاة ومن شاورهما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نودي لصلاة المغرب حسب توقيت الرباط السلام جورهما تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب هنا وانتي في زمان سعيد لازم كطبيب يشوف لك حل بكلام حبيب يمكن يهديك لما تعدي ويرجع بيك وتكوني ليه اوه اوه اوه اوه دم ديرام دم ديرام دم دارام دم دارام دم ديدام دم دارام دم دارام دم دم ديرام ديرام Il faut les applaudir parce que les choses imprévues sont toujours les meilleures. Tu vois que là, elle est comme Oussama et Nassar. C'était pas prévu. Merci à Mounim, Gnouné, à Fatem Zara et Yassine parce qu'ils ont pris l'initiative. Nous, on cache rien aux auditeurs. Ils étaient en train de répéter comme ça avec la chanson tout seul. On a allumé le micro gentiment. Le Kavala Somme on air. C'est comme ça. En tout cas, c'est la version la plus longue de l'histoire de Didam Dam. J'ai version aussi longue. The longest version ever. C'est comme ça. Dildi dam dam. En tout cas, il est 17h35. Merci de rester sur chaîne Inter. Tout de suite, on va se concentrer sur les tendances horlogerie pour hommes 2015. Le focus fait par Amina dans le journal du design. Bonjour, dans le journal design, place à l'horlogerie pour hommes. Quelles sont les tendances? Lorsqu'on parle montre pour hommes, on pense automatiquement aux grandes marques. Oui, mais avant de parler grandes marques, on parle matières premières et précieuses, surtout aux côtés de design, formes et couleurs. Le tout épuisé dans des ateliers d'horlogers. On choisit tout ce qu'il y a de mieux pour fabriquer un objet du temps, une montre pour hommes. De la marque IWC et ses montres bijoux pour hommes, à Beaumercier en passant par Cartier et ses très convoités ballons bleus, Tank, en série à découvrir. Lorsqu'on est fin connaisseur de montres, on s'approvisionne chez un vrai horloger et non pas chez un créateur de prêt-à-porter. Des montres et des légendes de fondation de famille, l'univers de la montre masculine est un monde qui a une âme et beaucoup d'histoire. L'horlogerie et les montres en général, c'est surtout une passion pour l'excellence des horlogers de luxe. Ce sont des maisons qui ont pour ambition de marquer leur époque. Les fondateurs fabriquent des montres de la plus haute qualité. Depuis le siècle dernier, et les familles d'horlogers, le plus souvent installées en Suisse, ne badinent pas avec les matériaux précieux. Excellence dans l'art horloger, avec des chronographes, des répétitions minutes et des chronomètres. Les horlogers suisses sont aussi à l'origine d'un grand nombre de brevets, aujourd'hui tombés dans le domaine public, brevets qui couvrent des inventions. Aujourd'hui encore, ces maisons œuvrent sans cesse pour offrir des montres dignes de célébrer une tradition horlogère entamée il y a maintenant plus de 180 ans, dans le respect des valeurs, de belles factures, et toujours en adéquation avec les attentes des clients. À tout majeur des horlogers de notre temps, chaque montre a une histoire et un moment de souvenir. C'est pourquoi on offre une montre à l'occasion d'un anniversaire, d'un mariage, à la réussite d'un haut diplôme ou grande promotion professionnelle. L'horloger qui vous vend votre première montre de luxe vous offre une documentation en reliure cuir rouge le plus souvent, digne d'effets décoratifs. Lisez ces petits livrets qui compléteront les informations que l'on vous a comptées en boutique. Ça prête au rêve. L'heure est exacte sur une montre de luxe, monsieur. De l'info, du sport, de l'art, de la culture, laissez-vous guider. Allez, on est est de retour et bien sûr il est 17h38 à l'écoute de Chaîne Inter, ça passe super vite et le Maroc se poursuit encore jusqu'à 18h, j'allais dire jusqu'à 20h, non c'est 20 minutes exactement. En tout cas un des membres du groupe HLM les GLM bien connaîtra et c'est Yassine Arsalan, donc Arsa MC derrière Tena, donc un freestyle couplet dial Kintaya bien sûr chez Hajan Kriya le Walid Adil Katsantalia. En tout cas c'est parti, on a une instru, on le rappelle hein, donc aux auditeurs et aux connaisseurs de en rap, donc c'est une instru d'Yel Nas et bien sûr on l'a sélectionné donc pour que Mr Arsa nous fasse un freestyle dessus. Abdel Monem Gnouni, c'est parti. Ok, freestyle, yeah, check. سيلو في الدار لي باقي محتار ما عرفش باش نبدا ما عرفش شنو نختار كنحس بقلبي عامر بالهم غاين فاجر كنشوف الدنيا كحالتي وانا فيها صبر كنعيش كل نهار وسط الحزن والهموم كيلف بين زناقي ما عارف اش ندير من صغري وسط الظلام ما عرفش الهم باقي صغير طريقي كامل سراب كاع ما كيتحد دقيت كاع البواب كلشي في جي كيتسد كنحس براسي غريب وخا في بلادي كنعيش كيلف كل نهار كنقشر راسي بالحشيش يا فريستايل تشيك شوية ما حافظش مش مشكل هو الفريستايل يلا ارسا ام سي سي بارتي بزاف قلبي عامر بزاف ما بقيتش باغي نشوف حيت ما بقى ما يتشاف عايشين في هاد البلاد قام ما كنقدو نهزو الراس واخا بنادم كيموت وناعس فوق الدص فاك دي السيستم اللي شقنا فيهم ما صدقوش باعو فينا وشتراو وبينا ما حسوش حياتنا ولاش ظلام كلشي كيبان كحل تالفين بين الدوب كلشي في راسو كيقتل الهموم غدا وكاد زاد عايشين واقع مر بنادم كراه حياته وما بقاش باغي يزيد صبر فريستايل يا Mister Arsa, l'Arsa se prend aller quand même parce que je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. L'instrument, chez Diallo, Mathieu Arfash, il a fait un effort. Mister Arsa, MC, le groupe HLM. Tubarakallah, allez, encore une fois. Là, on va passer donc à un autre freestyle. C'est ça les challenges des rappeurs, hein, c'est les freestyles. Mais là, Makish l'instru, qui est en fait la guitare de Oussama. Il y a qu'à Oussama. Oussama, il y a qu'à Oussama, on fait rap. Et Mister Erdogan. Erdogan dès le groupe HLM. Donc, tu as vu le rythme, les comme Oussama et Erdogan, c'est parti. Yo, Erdogan, check. Yeah. ما كان بويكش شادي جيني بزاف شالي خليتيني جالس شاد لك وان كان السي طاف طاف شالي بينتي لي بنادم وشوف الناقصه ديالو كتشاف حيت كاين اللي باغي لك الخير وكاين اللي باغي يشوفك هذيك الطاف علاش كاع ما بغيتي تفهم واش كاين شي واحد كيبسن متلاقى بدم من قصلو في سن طار لي طاح قارص وندم فوك قار ورقه وجوان كوكا قاقا في الزان بين صح نقول لك برافو العزه دابا عجبتيني مزيان تحكمتي في حياتي وزيد اي حاجه كنبغي ندير كل ما كنطيح كنوض كنزيد كنجري كنقول راس ربي كبير علاش كل نهار كنزيد غفيه بلا عبار لي جاك يديه كنتي فرحان ولا كنتي كاعي منك دابا غادي تشري بغيتي دراري وبنات كلشي كيقلب دابا فيني بات لحشيهم في قاع الفندق عشر كل واحد فيهم جوج بالمات ما كنبغيك صافي بعد وسير وخليك طافي ما بقيتيش كتنسيني كتزيد عليا ولي فيا راه كافي طيحتي صور شي قيمتي كلشي ضاع ما بين يديك كتبقى فيا غمويمتي ملي كتقول لي يا ربي يهديك اولدي هادشي ماشي ليك وماشي لولاد الناس شوف شحال من واحد لعبوا بيه وتصرف راه في الحبس الجامع البار كلشي في يديك وانت اللي غتختار لعبت انا عقل وقلب مش ميز بيهم اللي مزيان واللي مشرار حياتي باقا في الظلام فين انا وفين انت وفين هو السلام قلب نيتو كيريب كلامي غتولي وهام لا هادشي كاع ما غيوقع دابا غنوض غنحاول نقطع داكشي اللي خايب بحيتو من بالي طريق جديده هادي بها ما نرجع يا اللي بيني وبينو غيسالي ما كنبغيكش وباقا لي في بالي تابعني كثر من خيالي ونشايب بغيتك دابا دير بحالي On va applaudir ça. Ah, donc ça c'était bien calculé. C'est Oussama. Voilà, Radi. Je ne sais pas. Ça plaît, ça plaît. Adapte à Oussama. Tu parles à Erdogan et aussi Mister Arsa MC, dit le groupe HLM Medina. Tu connais pas Narjao pour finir en beauté avec Nasser Megri et Mister Oussama. Et un morceau, bien sûr, original de Nasser Megri Band. En attendant, on va écouter encore une fois de Nasser Megri, Sahraoui, c'est sur Chaîne Inter. صوتي عالي وللوحدة كالنادي صحراوي صحراوي مغربي صحراوي صحراوي صحراوي مغربي صحراوي يا خوي Maigri, tabarak Allah alik. Franchement, tabarak Allah alik. Donc, il y a Sahraoui, il y a Winek, il y a Maghribia. Maintenant, ça tourne sur les radios et justement, Tarak Khdam, donc les passages, la promotion. Tu as fait la balade. Hein, donc, actuellement, on est d'abord fou Winek. On est en train de faire la promo au sein de la télévision, au sein de la radio, la presse écrite. D'ailleurs, je remercie tous les journalistes, les Aounounés, ils me produisent là. C'est une sorte de production. اه الله يكثر خيرهم ميرسي ميرسي حتى انا كنحماق عليهم غادي دابا حيت سميتك ميغري مي نو دايو عندي علاقه معاهم زوينه جو كرو اترافير لو فيستيفال ايتي دي جودايا لي جو سوي ديريكتور دو كومونيكاسيون ديالو دونك جاي اون تما فين نعرفو وي وي لا بيرسون ناصر ماشي لا سون مانيفيك مع لي جورناليست وكنبغيهم بزاف وكنقدر كاع لو طرافاي اللي كيديروا بون توكا يفو دير دونك اي لي سور لي ميديا لي راديو لي تيلي عندك اوسي دي سين جاوا لي كونسير aussi. Absolument, donc bon, on vient récemment de... On a fait la clôture du festival de Zagora. بحال بحال دوك المناطق كاملين الناس الناس ظريفين وغزالين مانيفيك درتي ان كارتون كوميم في لو بوبليك وي الحمد لله الحمد لله سيتي ميرفيو يافي اون شالور غزاله تما دايوغ جي شونتي لا شونسون وينك جي شونتي اوسي لا شونسون صحراوي اللي سمعناها دابا دونك مازال شي سين قريب وي وي كاينه لا فيلا دي زار ان شاء الله كازابلانكا لو 11 ديسمبر 2014 voilà, 11 décembre, il ne sera pas dans une chambre, il sera sur scène. En tout cas, c'est le 11 décembre et on tâchera quand même de faire un petit rappel d'ici là quand même. On tâchera de faire un petit rappel parce que ça va tomber pile poil avec la période et le festival de Marrakech. Oui. Et bien sûr, on va essayer d'en parler juste avant quand même pour te recevoir au studio. Et, merci beaucoup. Et en tout cas, Kashkro aussi, le groupe HLM, merci beaucoup, les Gétio عرفنا عليكم وشين انتر ديما كتحل البيبان ليكم ولي جروب دونك ليكيب داو تيقولوا بسم الله دونك حتى حنا كنبغيو البوبليك شي شويه يعرف فين واصله لا نوفيل سين ولا نوفيل جينيراسيون توكا لو راب سي لا سبيسياليتي ديال اتش ال ام شكرا اردوان دونك سي اردوان الفراني شكرا اوسي لياسين ارسلان دونك ارسا ام سي وكنعاود نذكروا بان كوميم كاين الجديد اللي غيخرج السيمانه الجايه يا كاردوان خليك تهضرنا على الجديد جديد تشيتر سميتو طلب العفو هو اللي سمعتو اليوم حيد لو كاسك على لو ميكرو باسكو دوك لي رابور عزيز عليهم يخليو لو كاسك في العنق ديالهم صافي تري ستايل جو سي مي با على راديو دونك الجديد ديالكم هو سينجل الجديد هو اول مره كيتسمعوا بنادم هو اليوم تسمعوا بنادم غيتلاح في هذه السيمانه هذه في اليوتيوب فيديو كليب المهم لاشين ياسين ارسا ام سي يش الشين اللي فيها لي تراك ديالنا كاملين المهم ياسين ارسا ام ça MC donc Arsa MC où il y a la chaîne les que tu fais à l'actualité le musique ديالكم ou les clips ديالكم en tout cas quand je crois qu'on bzaf le groupe HLM زورونا في المكان الجديد n'est-ce pas c'est Arsa قريب الجديد من غير هذا اللي عاد سمعنا السينجل غيكون شي سينجل قريب ان شاء الله ضروري ان شاء الله من ديك الشهرين شهرين تقريبا بين شهر وشهرين تيكون واجد انا معكم دوك فاش وقتاش ما وصل حتىش ما وصل مرحبا به وحنا الديبات ديالنا محلولين سور شان انتر pour vous الدراري en tout cas on va finir en beauté 17h50 Winek le single qui est là, la nouvelle version qui est là, la promotion Nasser Migri ou le band Diallo Mister Oussama Gazoulet à la guitare Nasser Migri à la guitare et la voix et c'est parti Winek en live sur chaîne Inter Winek Winek Winek ya houbi l'oul j'fait y'alik ma oul ma m'jmri dar ou toa يا حبي الاول يا تحياتي عليك الاول ما مصبري طالو طوال اليوم اليوم هجرني النوم وغرقت معاك في هموم قلبي مغروم وانا مظلوم نسأل ديما معاك في هموم قلبي مغروم وانا مظلوم نسأل ديما قمر ونجوم وينك وينك وينك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ليك معول مهما شمري طالو طوال يا ويشام وينك وينك يا حبي الاول كنت فيت عليك نسول مهما صبري طالو طوال اليوم اليوم هجرني النوم وغرخت معاك في هموم قلبي مغروم وانا مظلوم نسأل ديما قمر ونجوم اليوم اليوم هجرني النوم وغرقت معاك في هموم قلبي مغروم وانا مظلوم نسأل ديما عليك مول ما مجمري طالو طوال وينك وينك يا حبي الاول يا تحياتي عليك نسول ما مصبري طالو طوال وينك وينك يا حبي الاول كنت تحياتي عليك مول ما مجمري طالو طوال وينك وينك يا حبي الاول كنت حياتي عليك نسول ما مصبري طالو طوال وينا Merci beaucoup à toi Nasser Migri et merci à Oussama Gazoulet. Je voudrais remercier. Je remercie d'abord Oussama, mon le compagnon d'y aller, le chevalier, le grand chevalier Oussama. Wallah, et nous les canrenou d'abord avec les tiers, c'est la polyphonie. Ma kaynash c'est quelque chose qui est académique musical et ça c'est dû à la mélodie de chant donc voilà, donc je fait la fondamentale, ouais, il fait la tierce. Oui, ça, oui, oui, il fait les quintes, et il fait les arrangements et tout. Je remercie Oussama, je remercie l'équipe Maya Kamla, le Nasser Megri Band, Saïd, Mehdi, Ali, Mohsin, Flavatri. Je remercie le manager Moufid Sbaï, je remercie le vidéaste Maana Amin, Kamikaze. Je remercie les concepteurs, les sites, Diana, qui sont pour les sites et tout. Donc, il y a Amin Azou, je le remercie. Je remercie mon père Hassan, mes parents, Wafa Benani, ma mère. Je remercie. Voilà, merci Nassar Megri, Oussama Gazolit. Merci à vous d'avoir accepté votre invitation. Merhaba bikoum maana. Et je remercie aussi le groupe HLM Malkonetra. Bien sûr, quand vous le dites, merhaba ou alf merhaba. Et à très bientôt, Mlikoul Jadid. Et bien sûr, on n'oublie pas de remercier Mounim. Mesdames et messieurs, et on applaudit la réalisation Fatem Zahra Yassine. Merci parce que bien sûr sans cette équipe on n'est rien, ça c'est sûr. Merci à vous amis auditeurs de votre fidélité. Nous on se donne rendez-vous inchallah le lundi 15h-18h pour une nouvelle édition de Hello Maroc, et en vous rappelant bien sûr que dans 4 minutes le point sur l'actualité de 18h suivi du Café Culture en compagnie de Tifa, et bien sûr à partir de 20h jusqu'à 23h l'antenne est libre, c'est avec Fayrouz Bantaleb. Et bien sûr, moi je vous souhaite de passer une excellente soirée, bon week-end, et on finit avec les Simply Red Stars. C'est parti. embarquez sur les ondes de votre station préférée. Embarquez sur Chemin Inter. Chemin Inter, la radio qui fait la différence.